Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, à tous. Goodbye Kevin, émission 219 en direct, 15h. On est là. Radio Campus, Cici représente. Voilà, on vous apporte un peu de fraîcheur. Il a fait chaud cette semaine. Il a fait chaud, mais il y a de la pluie aussi. Oh là là. Oh là là. C'est dingue, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Léna, qu'est-ce que tu nous as prévu cette semaine? Eh bien, cette semaine, je suis pas peu fière de ma petite sélection, je t'avoue. Donc, pour commencer, on aura un duo de rock avant-gardiste et psyché danois, suivi d'un collectif hip-hop, soul et jazz, tout ce qu'on aime. Eux, ils viennent de Melbourne. Dans la lignée de ce collectif, vous aurez le droit à un petit rap indé de Floride, suivi d'une balade post-soviétique. Et on terminera cette sélecta par une bonne dose de No Wave New Yorkais. Voilà, voilà. Bien, bien, bien. Et ben de mon côté, on va avoir pas mal de Do It Yourself, puisqu'on va commencer par du post-punk Do It Yourself français. Puis ensuite, on va partir sur un bon beau pop, toujours Do It Yourself de 2010. Puis ensuite, on va écouter les Black Midi. Tu vois, on arrête super le teasing sans dire le nom des artistes. Là, c'est Black Midi en troisième pour moi. Et après, on va finir par, pour ma part, par un célèbre compositeur égyptien. Eh bien, parfait. Je te propose, Pierrot, qu'on passe tout de suite à mon premier morceau. Ouais. Alors, mon premier morceau. Donc, le groupe s'appelle Snake and Jets Amazing Bullet Band. Et en fait, c'est un duo rock avant-gardiste et groovy de Copenhague, composé de Thomas Frederiksen et Thor Rasmussen. Bah voilà, j'ai pas réussi à me retenir. Rasmussen. Ouais, c'est courant là-bas. Hein, Rasmussen, c'est un peu. Et ben voilà. Ils se sont formés en 2003 et ils sont rejoints par la bassiste Laura Ratcho depuis 2012, depuis leur troisième album, si vous voulez tout savoir. Mais elle n'intervient que sur scène. On est sur du rock psyché qui intègre des éléments de blues, de punk, de synth-pop et de garage. Ils ont sorti en mars dernier leur quatrième album qui s'appelle Sphère sur leur label de toujours, Crunchy Frog. Et moi, je vous conseille vivement d'aller l'écouter. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je te propose, Pierrot, et je vous propose d'écouter un extrait de cet album qui s'appelle Gravity Hall des Snake and Jets Amazing Bullet Band. We'll be right back. C'était Snake and Jets Amazing Bullet Band avec le morceau Gravity Hall. Pour ceux qui peuvent être un petit peu se dire oh je sais pas si j'écouterai ça tout le temps parce que c'est un peu trop psyché 60 années 60 et compagnie. L'album est pas ça, c'est le morceau le plus coloré. Voilà. L'album, il y a plein de panels dedans. Toujours dans la vague psyché. Ouais, mais il y a des choses un peu plus garage ou il y a des choses un peu plus même parfois synthétiques, tu vois. Voilà, ça dépend vraiment des morceaux. Très bien. Eh bien, on part de mon côté chez les Roses Merci. Second LP sorti cette année, en mai 2022, qui s'appelle Kire Sagwa. Et Roses Merci, c'est quoi ? Bah, c'est un quatuor post-punk do-it-yourself où il y a notamment Charlène Darling, qu'on a déjà passé dans l'émission, qui chante en français de façon assez douce. Et là, bah, ça alterne chant en français, en espagnol, en anglais. Et c'est chez Gelo Dante Records et Celluloid Lunch Records. Et ma foi, c'est assez classe. Sweet Place de Roses Merci. Thank you. Rose Mercy, et le morceau c'était Kire Sagwa. Et du coup, la le morceau, l'album c'est Kire Sagwa, et le morceau c'était Sweet Place. Et la chanteuse, Désirée, non, quoi la chanteuse c'était Charlène Darling. Charlène Darling, n'importe quoi, Désirée. Et elle, du coup, là, qui rechante Je suis pas sûr. Ok. Je suis pas sûr. Ça marche. Eh bien, alors là, on s'apprête à écouter un morceau qui, si j'avais un top 5, il serait très, très certainement en pole position, tellement je le trouve parfait, tellement il me met bien, tellement il n'y a rien acheté dedans, pour te dire, Pierrot. Il est sorti en 2017 sur le troisième album d'un collectif de Melbourne qui s'appelle The Cactus Channel. Eux, ils puisent leur inspiration du côté du hip-hop, de la soul, du jazz, etc. Et pour vous les situer un petit peu mieux, ils ont pas mal collaboré avec Bad Bad Not Good. Le morceau s'appelle CMMNR, majuscule, peut-être Commoner, je ne sais pas. Et il était sorti sur l'album Stay A While en 2017 sur le label Hope Street Records. Alors depuis, je crois qu'ils ont parfait, ils ont rien ressorti. Je suis pas certaine que le groupe existe encore, mais en tout cas, toujours est-il que ce morceau-là est génial. Donc tout de suite, CMMNR de The Cactus Channel. We'll be right back. Pardon, c'était The Cactus Channel avec le morceau CMMNR. Voilà, voilà. Petit bijou, petite pépite, que dis-je ? Voilà, j'adore. Bon, sans la collaboration avec Bad Bad Not Goods, en tout cas. Je trouve dans le... C'est très très bien. C'est pas un défaut. Oui, mais je crois pas que sur ce morceau-là. Hein. Non, mais la patte, quoi. Ouais. Puis le même le courant. On va partir sur un groupe très très connu maintenant de l'indie rock, indie pop, Ariel Pink. Oui. Et en fait, je suis retombé sur un extrait de leur 8e album qui s'appelait Before Today, sorti chez 4ID et qui était sorti en 2010. Donc c'est déjà vieux, quoi, c'était leur 8e. Et un morceau, Fright Night, qui est ma foi très très cool, qui fait un côté bonbon coloré de pop, do it yourself, avec la voix qui est en arrière et le côté mélodique qu'on retrouvait déjà sur ces albums d'Ariel Pink. Et donc, bah, rien que mieux que de l'écouter. Ariel Pink et le morceau Fright Night, sorti en 2010. Parfait, parfait. Eh bien, on change de style parce que c'est un duo de rap que je vais te présenter. Ils sont originaires de Tampa et ce duo est composé de Dre et Von. Ils se sont rencontrés quand ils étaient ados, alors que Von essayait de refourguer de la mauvaise weed à Dre. si tu veux tout savoir. Pas sympa. Pas sympa. Mais très vite, ils se rendent compte qu'ils partagent la même obsession pour les sons un peu rares et radicaux comme ça. Et ils commencent à se faire un nom sur la scène DJ et Do It Yourself de Tampa, en Floride, grâce notamment à la quantité astronomique de sons qu'ils collectionnent. Et là, c'est, à ce niveau-là, c'est plutôt même encyclopédique, tu vois, à leur level. Bref, la transition vers le rap et le beatmaking, se fera un peu plus tard et en toute logique. Et voilà, alors ils ont commencé par un album plutôt beatmaking sans rap, et puis après, petit à petit, il y en a deux autres qui sont sortis. Donc là, ils ont sorti le mois dernier, en mai dernier, on est toujours en mai. Ils ont sorti en mai leur troisième album qui s'appelle Finally New. Et on va en écouter deux extraits tout de suite. Le premier qu'on va écouter s'appelle Blatant Localisme. Et le deuxième, c'est mon préféré, c'est pour ça que je vous passe en deuxième, comme ça vous restez un peu sur ça. Le deuxième morceau s'appelle Sometimes I Hate My Voice. Donc tout de suite, on écoute le groupe qui s'appelle They Hate Change. Je ne l'avais pas dit. What part of the game is this? Rap niggas pulling scams trying to look rich. They ain't who they say they is. Knew that it was cat when we seen them on the list. I'm addressing all y'all if you trying to get specific. Keys to the whip, but it's rented. Can't sell them tickets talking about I'm in your city. But this ain't the first time we done caught you niggas slipping. Oh my gosh. I'm a blind as far as my pet. I don't rap, I commentate. That's Mason Gucci when I step. But that high fashion ain't my way. They thought my lightning jersey was a fragment collab, but I don't do the hype beat shit. Got an M3 inside of my bag, they scratching their head like how did it fit? Shit. As far as the indies in the city go, we running it. But never put no guns in a video. Got plenty penny loaf, spent pretty pence on. Hand rag, washcloth, keep my whip rinsed off. We be that ragtag band from the no man's land. Stunning on cam. Started off hustling, still hustling like damn. Should've won a trophy, we the champs of the sham. Champs-Élysées, niggas still pay for play. What you say? Stop playing, nigga. Look, I never had to flash my tour money. I reinvested, got more money. My uniform is an understatement, just weighted jeans and cotton tees, so they can't fuck with me. It's funny how y'all get excited about crime. I can't deny, I thought the rhymes was really true to their lies. I mean, who really popping shit and who busting back while they diss you back? Cause you was wildin', I thought you went and handled your business. See, I was politicking, now my respect a little different. Poster child, so we ain't thinking the same. You fool me once, it's fuck you for life and forever remaining. If they screaming fuck change, I roll like Superman and let my nuts hang. Before the deal, shit was too real. Champagne spills, golden box ropes flowing on over my melanin. Bitch, I got mine and that's the thing. Blase, blase, blase, who name bell rang? Say what you mean. Who you with is the team. Gold bracelets, rings, big faces, told them to catch the swing. I got mine and that's the thing. Blase, blase, blase, who name bell rang? Say fuck you mean. Who you with is the team. Gold bracelets, rings, big faces, nigga, we talking. Bet you want it still. You got on them platforms. Some days I got an S up on my chest. Gotta run them sound of lights to get your point across, I guess. Like, oh my god, you remind me of 100 guests. Well, I'm sorry, gotta disagree, but shout out Laura Les, bitch. This told my and key man, rap freehand, no mic stand. Can't rewrite or typecast, can't bite that. It's hard rock, crack, dope man, no spokesman, no radio and no coke can in my hand. Breakfast Club program, direct that straight to the spam. Some days I hate my voice, some days I think I need a megaphone. Some days my shit could use a couple semitones. Might bring that black flag back, ain't talking Raymond Pettibone. I'm talking Team Fetty Jits, but all in all, we getting grown, easy. Shit, we're 13 with Visine. Had to put our flag on the map, this is my scene. Any nigga want a problem, tell him come and find me. Gucci X-ray specs, bitch, I'm polystyrene, C'était The Hate Change avec Blatant Localisme et mon préféré, Some Days I Hate My Voice. Voilà. Et j'ai pas précisé, mais c'est sur le label Jacques Jaguar. Voilà. Ok. C'est marrant, ça me fait penser. Et là, j'ai un trou sur le nom du rappeur, comme je cherche. C'est super connu avec une voix grave. Tyler the Creator. Voilà, merci. Ça me fait penser à ça au début. Oui. Avec leur collectif. Oui, oui. Eh bien, on va enchaîner avec un gros mastodonte maintenant, quoi, gros mastodonte connu de la scène indie, Black Midi. On va écouter un extrait du second album sorti en printemps de l'année dernière chez Rough Trade, album qui s'appelle Cavalcade, c'est ça. Ça me fait bizarre. Petit doute. Cavalcade. Ouais, mais ça te fait penser à ça. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Mais ça me perturbe encore de le dire. Et donc ils avaient sorti leur premier album qui a été un succès, qui était Schlagenheim, c'est bien que des noms chelous, en 2019. Et donc les londoniens de Black Midi continuent à aller dans tous les sens et à essayer de toucher les sommets, mais surtout avoir une multitude de genres musicaux au sein de leur album, comme le math rock, le jazz, le post-punk, avec toujours cette énergie et puis un certain sens de la maîtrise. Et ce qui peut en dérouter certains, parce qu'on passe par certains styles, et parfois ça peut être un peu brutal et un peu calme, un peu comme le dernier morceau que moi j'ai choisi de vous passer, qui s'appelle Ascending Frost, qui est un morceau plutôt doux, où on retrouve un peu une voix de crooner. C'est un morceau assez long, mais assez chouette. Et en tout cas, ils forment une belle équipe avec une belle génération d'énervés, avec les Squid, les Shame, les Fontaines d'ici, ou les Black Country New Road. Voilà, on a une belle relève qui nous attend, et Black Midi. Et ils ont envie qu'on mette leur morceau, c'est tout. Ascending Frost Force. Everyone loves ascending force. And everyone loves ascending force. Sheets with gum, and spend deadline. pain noise escapes his cerebral hand that toys. Miserably clutching his never avails without resorting to cheap entrails. To stand up tall and straight is to break one leg. Since last third quarter he has not got out. vous avais dit plus calme, ben, j'ai menti. C'est un peu énervé, ça part dans tous les sens. Bon, sur la fin, sinon... Ouais, il y a des moments, ils font... Bon, voilà. Bref, c'était les Black Midi avec le morceau Ascending Frost, j'ai réussi à le dire, sur l'album Cavalcade chez Rough Trade. Et ben moi aussi, je risque d'avoir un peu de mal avec la prononciation de mon prochain groupe. Il s'appelle Mourman Tsouladze. Ben non. Bon, tranquille. Voilà. C'est un trio formé en Belgique, aux origines dispersées entre la France, la Géorgie et l'Espagne. Alors eux, ils entretiennent le mystère quant à la jeunesse du groupe, dont le nom serait un hommage au grand-père de l'un de ses membres, ancien vendeur de tapis volants et de musique aux quatre coins du monde. Et en fait, ils aiment bien raconter, toute une mythologie autour du groupe. En interview, voilà. Je crois qu'il raconte des histoires, mais on aime bien ça, les histoires. Mais voilà. Et puis au final, on s'en fiche un peu d'en savoir plus. Moi, je vous propose d'écouter alors leur dernier EP, un extrait de leur dernier EP, qui s'appelle Apéris, qui est sorti sur le label Cara Denise en mars dernier. Et le morceau s'appelle Rayon Doré, D'Auré. Et si on a le temps, en toute fin d'émission, on écoutera peut-être un deuxième morceau. Donc Rayon Doré de Mourman Tsouladze, vous allez voir, c'est un peu dansant, c'est pas mal. Ou au pire, on le greffe tout de suite après. Bah, je sais pas s'il nous reste du temps ou pas, parce que moi, mon cinquième morceau, j'ai bien envie de le passer aussi. On aura le temps. Ok. Alors du coup, le premier, c'est Rayon Doré, et le deuxième, ce sera, je l'ai pas noté, dans Dancing Darling. Darling, voilà. Darling, faisons l'amour ce soir. Poetic Lover. C'est parti pour du coup à peu près 8-9 minutes de dancing trop cool. We'll be right back. Murman Tsouladze avec Crayon Doré et Darling. Et tu vois ça, je pense, Pierrot, que tu mets ça en soirée, c'est un peu un morceau DJ. C'est un morceau où tout le monde danse, je pense, très honnêtement. Ben ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que tu peux aussi bien danser dans une cave qu'à la gare Saint-Sauveur sur ça. Voilà. On va partir sur un style un peu oriental, ça reste, parce qu'il y avait des notes... Oui. Avec Baling Hamdi, qui est un célèbre compositeur égyptien. Et là, il y a Sublime Frequency, un super label, qui a sorti une anthologie qui s'appelle Instrumental Modal Pop of 1970 Egypt. Les chiffres, c'est toujours en français. Et moi, j'ai choisi un morceau qui est assez court, malheureusement, mais qui est très très bon, qui s'appelle Gada. Et pareil, on pourrait danser dessus. Thank you. Balingamdi, et le morceau c'était Gada. Et ben changement de style avec un trio new-yorkais qui s'appelle Pop 1280. Là on est plutôt sur du post-punk, de la noise, des boîtes à rythme, des séquenceurs et des synthés. Ils ont partagé la scène avec Jessica 93 là il n'y a pas longtemps en Angleterre, parce que là ils sont en pleine tournée européenne. Et on va écouter un extrait issu de leur dernier album Museum of the Horizon, sorti en 2021 sur le label Profound Love. C'est le morceau le plus accessible, je pense, où il y a un petit peu moins de bruit. Le morceau s'appelle Brennschluss. Et voilà, et c'est Pop 1280. J'aime beaucoup. Et c'est, avant, ils étaient chez Sacred Bone Records. Ah oui, bah peut-être, oui. Et ben on les écoute, hein. C'était Pop 1281 avec le morceau qui s'appelle Brenchlus. Et il est déjà l'heure de se dire au revoir. C'est passé vite, vous êtes triste, mais ne vous inquiétez pas, on se revoit la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, et là on vous laisse entre de bonnes mains avec le festin nu. Ouais, allez, des gros bisous au revoir. Et bon week-end.